Toujours à la même occasion, la représentation artistique des agriculteurs, gloire de la Corée du Soleil, a eu lieu le 11 courant à la ferme maraîchère de Mangyongdae de l'arrondissement du même nom de la ville de Pyongyang. Y ont assisté les cadres intéressés, les permanents de l'Union des travailleurs agricoles, les agriculteurs et les membres de l'Union des travailleurs agricoles de l'arrondissement.